baby's somebody's daughter. Somebody's daughter. Voilà, aujourd'hui maintenant, à ce moment précis, deux personnes, deux créateurs, deux auteurs, compositeurs, interprètes. Une s'appelle Lise Cabaret et l'autre Stag. Deux êtres hors de l'ordinaire, hyper intéressants, deux univers collés à la chanson francophone. Alors voici, sans plus tarder, Lise Cabaret et Stag. Où est passé le soleil, le bruit du vent dans les grandes plaines. Le cri du peuple est étouffé, les ventres mous sont réveillés. Le triste est devenu couleur de nos médias inodores. Et même les pierres nous trahissent, engravées de lois supplices. Il faut qu'on danse, il faut qu'on danse, tourner le dos à tous ces cons. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'aime, l'amour un peu partout. Il faut qu'on danse, il faut qu'on danse, tourner le dos à tous ces cons. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'aime, l'amour aux quatre vents. J'entends le cri des imbéciles, la mort toute ceinturée, qui nous ramène en arrière pour que le divin soit mesquin. Du grand amour pour les crétins qui nous regardent avec dédain et qui voudraient nous imposer leurs petites idées toutes rapiécées. Il faut qu'on danse, il faut qu'on danse, tourner le dos à tous ces cons. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'aime, l'amour un peu partout, hey. Les chiens en liberté qui viendront mordiller pour taquiner les petits mollets des fantômes en défilé. Réalité augmentée qui marche dans troupeau, les rêves lardés de coups de couteau. Il faut qu'on danse, il faut qu'on danse, tourner le dos à tous ces cons. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'aime, l'amour un peu partout, hey. Le beau temps des équinoxes, des fleurs au vent. Et y'a qu'à tourner le bouton et laisser ça aux petits moutons. Faut repartir sur de bonnes bases, ne plus écouter tous ces nazes, habiter les arcs-en-ciel et leur laisser leur petite querelle. Il faut qu'on danse, il faut qu'on danse, tourner le dos à tous ces cons. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'aime, l'amour aux quatre vents. Il faut qu'on pense à refermer derrière nous, plaquer la porte au nez des loups, au vide métamorphose qui s'empresse d'effacer le parfum des opiacés. Des fois qu'ils auraient des idées un peu moins sinistrées. Il faut qu'on pense, il faut qu'on pense, tourner le dos à tous ces cons. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'aime, l'amour aux quatre vents. Faites des spectacles et puis chacun fait 3-4 chansons, ça doit arriver. Hein, vous, exemple, un été en plein air, il y a 6-7 chanteurs. Oui, oui, ça arrive. Est-ce qu'il y a un moment donné où la personne qui suit est plus rock et par exemple, et toi t'arrives, Lise, tu te dis comment je vais arriver à m'implanter après. Non, parce que c'est pas une question d'être plus rock ou moins rock, c'est une question d'énergie qu'on donne sur scène et l'échange qu'on a avec le public. Quelqu'un qui fait un truc avec juste une note hyper cool peut carrément plus captiver le public que celui qui était hyper rock avant. C'est pas une question de style, je pense pas. C'est une question de public ou de... C'est l'énergie qu'on donne sur scène. Et l'énergie, c'est... Oui, bien sûr, quand on fait du rock, c'est des musiques qui sont énergiques, mais l'énergie, c'est ce qui vient de l'intérieur de nous. C'est pas... Si tu te fais chier sur scène en faisant du rock, bah, les gens, ils se font chier. Ah oui, mais ça se voit et ça s'entend aussi. Ça oui, s'entend. Voilà, c'est ça, c'est... Est-ce que vous essayez, sans doute que vous devez essayer vos chansons avant de les placer sur la pastille? Pas forcément. Ah non? Moi, des fois, je les essaye en concert. Ça m'arrive... Ah oui, c'est ça que je vous dis. Tu les fais en spectacle avant, tu les mets sur la pastille après. Ah, moi, j'hésite pas non plus. Je m'en fiche. Tu les essaies avant? Je serais très connu, je ferais peut-être pas comme ça. Parce que les gens, ils sont à l'attente du truc nouveau. Ah ouais, ouais. Mais quand on n'est pas très connu, je crois qu'on peut se permettre de... Mais est-ce que c'est ce moyen-là qui vous donne l'envie de la placer ou de l'enlever? S'il n'y a pas d'intérêt par le public, vous disant, ben celle-là, je croyais qu'elle était pas mal, mais Bon, je vois qu'il y a ouais, pas mais elle, peut, elle, elle peut donner super en, en CD. Il y, a des, ah, il y a des chansons qui sont peut-être plus faites pour l'écoute de disques que de scènes. Je sais pas, ça dépend de comment on l'interprète et comment on l'enregistre. Donc, c'est pas parce qu'elle a mal passé un spectacle qu'elle va... qu'est-ce qu'on peut diffuser sur la passée. Après, il y a mal passé. Mal passé pourquoi? Parce qu'on l'a mal interprété ou parce qu'elle est mal écrite? Enfin, je sais pas. Ça, ouais. On sait pas trop. Ou que le public n'était pas adapté, je sais pas. Ouais. Donc, il va falloir la jouer beaucoup de fois à beaucoup de publics différents pour savoir si c'est vraiment la chanson qui déconne. Mais une fois que la chanson est écrite, sur scène, est-ce qu'il y a des mots qui peuvent changer parce qu'elle sonnait moins bien? Puis là, si vous avez trouvé peut-être une autre façon de la placer qui est mieux que la première version? Ou si quand c'est écrit, on n'y touche plus? Ah non, moi ça m'arrive souvent, moi. Les chansons, elles évoluent tout le temps, quoi. Parfait. Ouais, ça peut. C'est... Moi, c'est systématique quasiment. Quand je réécoute des chansons que j'avais déjà enregistrées, et le texte est complètement différent 10 ans après, quoi. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que ça vous surprend quelquefois de voir la réaction du public lorsque vous chantez? Ah oh, ouais, c'est... le public est attentif, le public... j'ai un bon public ce soir. C'est... Enfin, ouais, ça surprend pas, non, c'est normal en fait. Tu vois, c'est, heureusement, il y a des bons. Quand j'allais dire des bons publics, c'est pas ça, mais en fait, des gens qui écoutent, tout ça, ça surprend pas, c'est juste normal. Il y a des réactions de public qui, des fois, peuvent surprendre, où on se dit, alors lui, il faut que j'arrête de le regarder. Ok. Moi, je vois que récemment, j'ai fait un concert et il y avait une dame, elle faisait oh, oh, oh, à chaque fois que je disais des mots un peu. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Et je me disais, elle avait l'air outrée parce que je chantais, alors je me dis, je vais arrêter de la regarder. Fait que là, ça t'emmerdait un peu de ou alors, voir sa réaction. Tu vas avoir une scène où il y a plein de monde et en fait ceux qui sont plus proches de toi, les trois personnes qui sont plus proches de toi, ils te regardent et ils ont l'air de détester ce que tu fais alors que les autres ils s'éclatent. Ah ouais, ouais, okay. Mais tu vas fixer sur ceux qui ont l'air de se cacher et t'as dit merde, t'as envie de leur dire mais aller plus loin. Non, non, mais je pensais aussi que t'essayais de les apprivoiser pour ceux-là. Ah non. Bon. Non, parce qu'en plus des fois quand ils font vraiment, ils te regardent avec une gueule de con, je trouve qu'ils ont des têtes de con donc j'ai pas envie de les apprivoiser, ouais, franchement. Ouais, j'ai juste envie qu'ils se cassent. Ouais, parce ouais. Que justement, c'est ceux qui ont des têtes vachement sympas un peu plus loin que j'ai envie de leur dire mais vous dansez, rapprochez-vous. Vous donc Mais ça, c'est pas à eux aller au fond, aller voilà. Au fond, c'est ça. Échanger vos places, ça, jouer à la chaise musicale. Exactement. Est-ce qu'avec les années, les idées ont changé, les mots ont changé, la façon de dire, de chanter a changé ou il n'y a pas vraiment de modification, tout est... Sur quoi? Ben, exemple, dans votre écriture, dans la façon de vous comporter sur scène, il doit y avoir à un moment donné quelque chose de plus professionnel, vous vous sentez oui, plus ben à l'aise sur scène? Oui, bah oui, moi j'ai encore beaucoup à apprendre, ouais, carrément, je sens que je suis pas arrivée encore au... On y arrive peut-être jamais. De toute façon, je n'ai pas envie d'arriver à quoi que ce soit, je pense que la vie c'est un chemin où on évolue, on change, voilà quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, mais ouais, carrément. Sa peau et ses cordes qui vibrent portent l'effigie de ses émotions. L'ondulation de son corps est libre et le creux de ses reins si profond. Et le creux de ses reins si profond. Ses courbes généreuses ajoutent à son timbre chaleureux le charme des nuits d'opale quand résonne sa peau d'érable dans son cou fin funèbre. Elle repose sa pielle, elle patiente le lendemain qui lui donnera sa main. Vous l'implorez, quel idolâtre votre toucher. De là la chute de ses reins, de l'archer du va-et-vient, de l'archer du va-et-vient. Elle est belle, la femme contrebasse, quand elle vous trouble, quand elle vous trouble. Élégante dans sa robe Quand elle résonne, vos matins blêmes. Quand elle résonne, vos matins blêmes. Vous ne savez pas lui faire, hélas, l'amour à la femme contrebasse, qu'elle se démène ou qu'elle se prélasse. Faites-la chanter qu'elle vous embrasse, faites-la chanter qu'elle vous embrasse. Elle est belle, la femme contrebasse, quand elle vous trouble. Quand elle vous trouble par son audace, élégante dans sa robe d'ébène, quand elle résonne vos matins blêmes, quand elle résonne vos matins blêmes. Ouais. Oui, de toute façon, tu fais pas pareil suivant vraiment les endroits. Tu vois, nous on joue avec Paco Ibanez par exemple. Tu fais pas le punk, tu vois ce que non, je veux dire. Ouais. Pas ce public-là, il est pas venu pour ça. Donc tu racontes des conneries, mais différemment. Que si t'es dans un festival punk, tu vois, déjà au départ, mais ça c'est parce que c'est notre métier, tu le fais pas pareil quoi. Mais globalement, oui, ça change aussi. Là, t'as des choses que tu surjouais par exemple, que tu dis bah tiens ça je vais changer pour voir. Je vais l'apprendre plus dans l'intérieur au lieu de. Voilà, parce que souvent moi j'ai une grosse voix, tout ça, et souvent l'énergie elle passe que par là, et en fait non, des fois elle peut passer dans des trucs très minimalistes et ce qui reste en tension aussi, tu vois. Donc ça oui, avec l'expérience tu gères, tu le fais différemment. Ouais. Puis tu te rends compte aussi que quand tu le fais beaucoup plus retenu, les gens sont impressionné de voir comment ça peut sortir oui. Au lieu de. Mais là vraiment c'est. Il y a des endroits où tu peux pas le faire. Okay. C'est vraiment. Il faut lâcher. Oui, voilà, t'as vraiment des endroits. Enfin moi je trouve, j'ai des copains qui sont pas d'accord, mais il y a des chansons que je sais, si je les fais à tel moment dans un bar, je vais perdre les mecs parce qu'ils veulent pas écouter un truc comme ça, triste, tu vois. Mais bon, ça. C'est des aléas. Mais le métier, surtout quand on travaille solo, quand on a notre propre entreprise, c'est pas comme exemple Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers fait un album, fait une tournée. Vous, c'est pas ça du tout. Non. Vous faites des tournées, vous faites un album à un moment donné, vous faites une tournée, vous pouvez être 2-3 ans sans faire d'album. Donc l'album n'est pas tributaire de la tournée. Mmh. Oui. Tout à fait. Est-ce que c'est ça un peu qui est dommage, ou si vous voudriez à chaque fois faire un album, une tournée, Bah, si c'était comme ça, ça voudrait dire qu'il y a une grosse prod qui s'occupe de nous et qu'il y a plein de choses qu'on a pu à faire, donc ça peut être pas mal aussi. Ah ouais. Après, ouais, les deux ont leur ouais. charme. Hein. Je ouais. connais des gens qui font justement ça et qui retournent à des formations plus petites parce qu'en fait, ils ont la nostalgie justement de pouvoir tourner dans des petits bars, des machins. Mais voilà, quoi, c'est deux univers différents, on va dire. Oui, oui. Mais comment on peut faire pour être pris sur une étiquette? En fait, il faut être vu, il faut être reconnu, il faut... Tu veux dire pour arriver à ça? Ouais. Bon, il faut avoir rencontré les bonnes personnes, faire la scène. Je pense qu'il y a pas trop de... Il y a une grande part de chance et aussi de... peut-être de talent, mais je pense qu'il y a une grande part de chance et qu'il faut se bouger à fond, quoi, tout faire pour y arriver. Il y a des gens qui sont quand même hyper à donf, qui arrivent à être partout, aller vers les bonnes personnes. Mais bon, moi, ça, par exemple, je sais pas si j'ai très envie d'être complètement acharnée comme ça, quoi. Ouais. Une espèce de... Ouais, et puis en plus, c'est beaucoup d'énergie. Oui, c'est énormément d'énergie. Donc, est-ce qu'il y a des chansons que vous chérissez, que vous voulez faire à tout prix, parce que c'est celle-là que vous sentez qui fonctionne davantage, qui vous interpelle? Est-ce qu'il y a des chansons que vous aimez, comme un peu un enfant que vous voulez tout le temps Moi, dans certaines reprises que je fais, j'aime bien. Ah, des reprises ? Ouais, il y a des reprises que j'aime bien faire tout le temps. Il y a des reprises qui me suivent depuis. Par exemple, il y a une chanson d'Yves Jamais, le monologue du client, que je joue depuis hyper longtemps, presque 10 ans sur scène. J'aime bien la faire tout le temps, parce qu'elle me va bien et qu'elle envoie bien et qu'elle me parle. Ouais. Yves Jamais, est-ce qu'il est connu en France ? Parce que moi, je le connais, oui. Mais... Ah oui, il est très connu en France. Très connu ? Ah bah oui. Ah oui, oui. Ah, ok, non mais ça me surprend parce que dans les médias, non mais dans les médias on le voit pas. Oui, dans les médias québécois ? Non, non, dans les médias français. Non, il est connu dans le milieu de la chanson en fait. Ok. Pourtant c'est Patrick Sébastien qui l'a élevé. Ouais, mais Patrick Sébastien on n'entend plus parler non plus. Oui, bah lui, ouais. C'est pas des... ça, on a tiré la chasse d'eau. Non mais parce que si on parle de Bernard Lavilliers, on le voit encore à la télévision. Un peu moins, c'est vrai. Il était en tournée là en plus en ce moment. Ok, on le voit moins, c'est vrai. Il y a des gens qui... Oui, médiatiquement après... Ça veut pas dire qu'ils sont pas connus, quoi. Mais ouais. Non, ouais, c'est ça. Pas connus d'un certain public, ouais. Qui, en principe, ne connaît pas grand-chose à la musique non plus, tu ouais, vois. Effectivement. Qui vont manger du Christophe Maé à longueur de journée parce ouais. qu'on leur met ça à la télé. Ouais. Ouais. Puis à la radio, malheureusement. Même qu'on aime, c'est pas, je critique pas, mais je veux dire, ça empêche pas que t'aies des artistes les gens sont pas, qui évoluent autour de ça dans un autre réseau, et puis quand ils jouent, c'est plein, quoi, tu vois. Ah oui. Même, et notamment dans la chanson, quoi. Willis. Les gens sont pas hyper curieux. Les gens ils sont devant leur télé, devant The Voice, quoi. D'ailleurs la question qui revient tout le temps c'est pourquoi t'as pas fait The Voice ? Alors j'essaie d'expliquer aux gens que faire The Voice déjà c'est vendre son âme au diable, parce que si t'arrives pas dans les premiers, tu fais des contrats de. Ouais. Où tu cèdes un peu ton œuvre et qu'après t'es vraiment dans la merde. Mais bon, les cèdes ton œuvre, hein. Ah ouais, c'est un truc. C'est assez sale en fait. Mais c'est vampirique. C'est complètement. Mais bon, les gens, t'as l'impression qu'il y a du vide dans leurs yeux quand tu expliques ça. Quand ils sont pas de la musique, ils comprennent pas bien. Donc, pour eux, c'est The Voice, la musique. Les victoires de la musique, The Voice, ça s'arrête là. Enfin, je veux pas être méchante avec le grand public, mais je vois, même dans ma famille, il y a des gens qui ne parlent que des artistes qu'ils ont vus dans The Voice, qui sont des gens très bien et qui malins. Donc c'est ça qui est dommage. Elle s'en fout. Suzy, elle croit pas au bon Dieu. Elle danse nue sur les tables. Elle boit comme les garçons. Et elle dit que la vie c'est pure folie. On est tous amoureux, mais pour elle. Suzy, elle s'enfuit. Suzy, au bout de nuit, elle dit que les garçons, c'est comme les vieux Kleenex, ça se prend, ça se jette, et ça se rachète. On est tous amoureux. Mais pour elle, faudrait pas confondre l'amour et la vertu. Faudrait pas confondre l'amour et la piété. Faudrait pas confondre l'amour et la pitié. L'amour et la vertu, l'amour et la vertu. Qu'elle dit, Suzy, Suzy, elle blasphème. Je t'aime, je t'aime. Elle aime pas les églises, les temples, les mosquées. Elle dit pas besoin d'être guidé pour pouvoir s'aimer, non. Mais quand même, on est tous amoureux, mais pas elle. Faudrait pas confondre l'amour et la vertu. Faudrait pas confondre l'amour et la pitié. Faudrait pas confondre l'amour et la piété. L'amour et la vertu, l'amour et la vertu. Je le dis, Suzy, Suzy, elle aime pas. devenir vieille. Elle veut mourir vivante en buvant du saké loin de son canapé. On est tous amoureux, mais pour elle. Faudrait pas confondre l'amour et la pitié. Faudrait pas confondre l'amour et la vertu. Faudrait pas confondre l'amour et la piété. L'amour et la vertu, l'amour et la vertu. Qu'elle dit Suzy, ananananana, Suzy. Mais je vais revenir à ma question. Est-ce qu'il y a des chansons que vous chérissez, que vous aimez présenter sur scène à chaque fois? Parce que vous vous dites, elle, je l'aime, puis en plus, elle marche bien. Ça dépend des époques. Ah. Moi, je l'écris la chanson, donc je la chante, quoi. Okay. Dès l'instant où je l'écris, c'est que je l'aime bien. Sinon, okay. Je l'écris pas, quoi. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Sinon, je la fais. Puis toi, Lise, c'est la même chose? Bah, moi, ça dépend des moments, de mon état d'esprit du moment. Il y en a que je vais préférer chanter à d'autres. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, souvent j'aime bien chanter mes nouvelles chansons, okay, parce bah que oui. C'est nouveau justement. Oh, ouais, c'est ça. Là, par exemple j'ai une chanson qui s'appelle La voiture en pluie, où c'est une histoire érotique entre deux personnes dans une voiture, qui est complètement sortie de mon imaginaire, okay. Et extrêmement métaphorique, et je pensais que personne n'aimerait cette chanson parce qu'elle est extrêmement métaphorique, assez douce en fait. Mais en fait elle est délire, elle est marrante et les gens l'adorent, et moi j'adore la chanter, donc je m'éclate. À cause des gens, puis à cause du fait que... C'est vrai que quand les gens sont réceptifs, ça aide toujours en plus à apprécier encore plus ce que tu chantes. Hein, c'est oh, oui, et puis surtout que c'est valorisant. Ouais, c'est valorisant. Ouais. Comme, voilà. Les disques, lorsque vous les faites, est-ce que vous avez beaucoup de matériel que vous voudriez placer, mais malheureusement, un disque c'est 10 chansons ou 12 ou 15, là, ça dépend. Donc, comment vous faites pour choisir les chansons qui sont sur la pastille? Parce qu'il y en a qui ne sont jamais là. Vous faites des spectacles, donc vous pouvez avoir une trentaine de chansons. Ouais, ben je sais pas le choix, comment il se fait. Je sais pas. Moi, j'ai tendance à faire des albums plus courts maintenant. Okay. Toi, tu mets 10 chansons, 9 chansons, parce que de toute façon, c'est pour vendre au concert. Ouais, c'est donc, ça. Ça te fait des réserves. Et toi? Bon. Moi, le prochain, il y aura sûrement que 7 chansons, tu vois, alors qu'il y a toujours eu 12 dans les autres. Ouais. J'avais pas envie de mettre des chansons bouche-trou ou quoi que ce soit. Et puis, comme dit Stag, en fait, c'est pour vendre au concert. Et puis, les gens, ils t'écoutent sur Internet. C'est quasiment des collectionneurs maintenant qui achètent les CD, ceux qui veulent un objet. Ouais, donc, ça. Ils s'en foutent un peu. Enfin, ils s'en foutent pas, mais bon, si c'est de la qualité, mais s'il y a que 7 chansons, que c'est de la qualité et que l'album est beau, bah, c'est ce qui compte, quoi. Il y a moins d'intérêt pour les gens d'acheter des disques. Que tu dis? Il y a moins d'intérêt pour les gens d'acheter des disques. Bah, la plupart des gens, ils n'ont plus de lecteur CD. Même dans les voitures, il n'y a plus de lecteur CD. C'est vrai, c'est sur les ordi, il n'y en a plus. Moi, je commençais à vendre des clés USB. À un moment, ça marche mieux que les CD. Hey, c'est vrai. Vendre des clés USB. Bah, ouais, ça marche. C'est vrai que moi, je sais qu'il y a des gens qui achètent des CD. Ils veulent que tu fasses une petite dédicace. Ouais. Et qui n'ont pas de lecteur. Ils disent on n'a pas de lecteur, mais on aime bien avoir. Ben, voyons. Un lecteur, c'est minimaliste. Un jour, ils en auront un. Ben oui, tu prends ton DVD, puis tu places la pastille, puis ils risquent de jouer quand même. Vous travaillez quand même depuis des années à la chanson, puis un public qui vous suit, donc c'est quand même assez gratifiant de poursuivre, parce que vous savez que y a, les années ont fait que c'est moins difficile qu'avant. Je sais pas si c'est moins difficile, je suis pas sûr. Ok. Je suis pas sûr parce qu'il y a moins de lieux. Dans le réseau de l'underground, en tout cas, il y a beaucoup moins de lieux. Aujourd'hui, tu as une nouvelle dynamique. Parce que les villes comme Paris, tu vois, Paris intramuros, les lieux, les gros squats, tu vois, tous les copains nous, de l'époque étaient à la Moscova, etc. C'était des rencontres, le parking 2000, tu vois, le nombre de musiciens qui se sont rencontrés là-bas, qui ont fait des groupes. Tous ces lieux, ils existent presque plus, ils en ont fait la chasse. Moi, j'ai tourné avec Pierre Soler, qui était le dernier patron du New Moon à Pigalle, ouais. Tu vois. Et quand tu revois les images des concerts, c'était tous les jours, tout le temps, il n'y a plus des lieux comme ça. Ça disparaît, t'en as aussi Montreuil encore, tu restes un peu. Oui, Montreuil. Mais ça, c'est en train de revenir. j'allais dire en province, pas en province, mais dans les, ouais, dans les lieux où on leur fout la paix, tu vois, la campagne, ouais, tu vois, ça, ouais, des lieux alternatifs qui se recréent et qui sont beaucoup plus intéressants à faire que des lieux ultra formatés avec la prog. Avec des limiteurs de décibels. Et puis, ils ont, et puis oui, c'est ça, tu vois, et puis finalement, ils ont pas moins de... Même économiquement, c'est pas moins viable, tu vois, parce qu'ils se mettent pas des contraintes qu'on peut avoir. Ils montent des assos, tu vois, t'es super bien payé, et les gens sont super contents, et ils sont pas emmerdés par la sécu, je sais quoi. Il faut que tu prennes une boîte de sécu pour faire l'entrée d'une salle, machin, tu vois, c'est obligatoire, nanana. Mais... général, dans les grandes villes, ça c'est... Même les petits lieux qui étaient vraiment des lieux mythiques de la chanson, du rock et tout, chier, quoi, jusqu'au bout, qui existent encore, ils font plus de concerts, parce que là, par exemple, on est vraiment pas loin de la Divette de Montmartre, qui est tenue par un mec qui s'appelle Serge, ça fait presque 40 ans qu'il a son bar, Et c'est là où a commencé Mano Solo, les Têtes Raides, des groupes comme ça. Et vraiment, il y avait des concerts tout le temps chez lui. Maintenant, il n'y en a plus. Pourquoi ? Bon. Parce que nous sommes passés du statut d'artiste musicien au statut de nuisance sonore. Voilà, exactement. C'est bien résumé. Ah ouais. C'est plus la folie comme avant. C'est fou. Oui, c'est le. Ouais, ça va de pair avec la gentrification. De la certification ? La gentrification, tu vois. Ok, ouais. Donc ça va de pair. Hein. Je veux dire, c'est de moins en moins vivant, quoi, tu vois. Dans les, Et puis personne réclame ça. Bon, ici, non, pas trop. Ça a pas l'air de leur manquer. Et en plus, il y a un truc très bizarre qui se passe à Paris. C'est que tu as des jeunes couples, pas trentenaires encore, qui ont un gamin, tu vois, qui vont s'installer pile poil au-dessus des bars. Ah oui, puis là, alors qu'ils savent très bien qu'un bar c'est bruyant, mais ils vont tout faire pour le faire fermer, vu que c'est assez facile de faire chier un bar. Oui, Et bah ça s'arrête comme ça, quoi. Ah, c'est fou, genre. Ça, j'ai jamais compris. C'est les mecs s'installent au-dessus des bars, peut-être parce que c'est moins cher ou j'en sais rien, et puis après ils vont fermer le bar, quoi. C'est, c'est un truc qui arrive assez souvent à Paris. C'est complètement cinglé parce que. Bah oui, c'est cinglé. Tu vérifies avant qu'est-ce qui se passe en bas. Puis alors, tu sais pas d'où ils viennent et ils te disent d'aller habiter à la campagne si tu veux du bruit, alors que Paris, là-bas, c'était pas ça, c'était plutôt. Il y a juste les voitures ici, voitures, c'est assez bruyant, merci. Hein, y a pas de... J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Mais normalement, quand je le fais, l'autre n'a pas le temps de réfléchir, mais en tout cas, peu importe, je vais la lancer. Si tu étais, si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Si j'étais un liquide, qu'est-ce que je serais? Oui. Oh là là, j'ai pas. Alors là, tu me prends. Non, mais il n'y a rien préparé, là. C'est... Ben, il faut pour y penser. Moi, je pense que je serais tout simplement de l'eau. Ah oui? Bah ouais, parce que c'est léger, c'est partout, c'est la vie, c'est la respiration. Et toi? Moi, j'en sais rien. T'en sais rien? Je sais pas du tout. Si tu étais une ville, Stag? J'en ai pas la moindre idée. N'importe quelle ville. Toi, Lise? Paris, mais peut-être dans des années passées. Ok, oui. C'est ça. Quelle année? Je sais pas, entre les années, on va dire, entre les années 50 et les années 70. Je suis allé dans la rue. Sais-tu ce que j'ai vu? J'ai vu les amoureux qui marchaient deux par deux. Le regard bien plus délavé qu'un vieux Lévis troué. Voilà ce que j'ai vu en allant dans la rue. Voilà ce que j'ai vu en allant dans la rue. En allant dans la rue. Sais-tu ce que j'ai vu? J'ai vu les magasins dessous. En dessous des magasins dessus. Les magasins dessus. Bien moins sans dessus, sans dessous. Les magasins dessous, les magasins dessus. Voilà ce que j'ai vu en allant dans la rue et en marchant là-dessus. Voilà pas que je trouve 20 sous que je file dans le magasin dessous. Acheter un par-dessus. Oui, mais voilà maintenant. J'ai un beau par-dessus, mais j'ai plus rien en dessous. Et j'ai perdu 20 sous en allant dans la rue. Moralité, il vaut mieux être amoureux. Toi, si t'étais une année, ce serait laquelle? Je sais pas. Celles qui vont venir. Ok, ah ben ouais. Faut espérer. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue? Oui. Si j'étais une langue, Wolof peut-être. Wolof, ok. Ouais. Pourquoi ça chante mieux? Ça j'adore chante la mieux. Sonorité. Je l'avais appris avec justement un groupe québécois avec les colocs. Ah, les colocs, oui. Barma Barma Samawaji Hagai Mayon, oui. Mais ça, c'est le dernier album. Et ouais, jouait pas mal avec des Sénégalais, André Fortin. Et, oui. Et j'avais vachement accroché avec la langue à ce moment-là. Du Est-ce Wolof. Que tu les as connus? Bah non, il est mort, il était déjà mort depuis 10 ans quand je suis allée au Québec, parce que j'ai été 6 mois au Québec, qu'est-ce un peu moins. Qu'est-ce que tu as fait à Québec, au Québec? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un petit peu bossé pour une boîte où je vendais des cafés ou des DVD de karaoké dans les supermarchés, et on me disait « Oh, j'aime bien ton accent français !» Et je disais « Mais je suis française !» Ouais, c'est ça, il y en a tellement aujourd'hui que... Ouais. Je me baladais, quoi. Je... À Montréal? Ah ouais, à Montréal, parce qu'en fait j'étais à New York, et j'ai détesté New York parce que je parlais pas anglais et que j'aimais pas la ville. Donc du jour au lendemain, j'ai pris le train qui fait New York-Montréal et là, je suis restée un peu plus de 4 mois à Montréal en auberge de jeunesse. Oh, oui. Donc j'ai rencontré plein de monde. Mais et j'ai découvert les colocs à ce moment-là. Avais-tu un visa de travail? Non. Oh. Non, non. Non, j'avais... Non, je devrais peut-être pas non, dire. Non, voyons, il viendra pas le faire, il viendra pas à ta maison. Oui. J'avais fait un faux numéro de sécu, je sais pas okay. quoi. Ok, ah, c'est pas parce mal. Parce qu'on pouvait récupérer son liquide directement oui. dans des petites boîtes, là. Ok. Et puis, t'as donc les colocs, t'as bien aimé parce que c'était la période. Je suis hyper fan des colocs, même. Hein. Vraiment, André Fortin, j'aurais rêvé d'aller à un de ses concerts, mais il est mort il y a trop longtemps, j'étais trop jeune, en fait. Ouais. Et voilà. Tu sais ce qui est arrivé? Oui, je sais très bien, je connais absolument toute l'histoire des colocs, j'ai repris quelques chansons de lui. Est-ce que tu connais mon oncle Serge? Oui, très bien. Oui, il tourne souvent dans le Grand Est, enfin je le connais pas personnellement, mais il tourne souvent dans le Grand Est, en France et tout. Là, il était en tournée là, il y a 2 mois. Oui, il vient souvent par ici. Je suis fan. Personne. Ah, toi aussi? Ah oui, moi j'avais vu Musique Barbare au, oui, au Québec. Oui, oui, oh. Avec Anonymous. Ah oui, avec les jeunes. Tu l'as vu ici, où ici à Paris? Au Québec, au Québec. Au Québec, toi aussi t'as passé... J'étais en vacances comme ça avec ma fille, ouais. Où ça, à Montréal? Bon, je me rappelle plus si c'était... Non, te dirais une connerie. Non, j'étais à Québec. Québec, après, Québec. Je me suis baladé avec ma fille, on est monté jusqu'à Godbout, tu vois. En quelle année? Oh, ma fille, il y a 10 ans, 10-15 ans. Parce que ma fille a 24 ans. On y était peut-être en même temps. Y'en a qui ne s'intéressent qu'aux fesses des déesses et d'autres qui se caressent la nuit quand ils sont en détresse. Y'en a qui mangent en cap ferrat servi en 3 étoiles et d'autres faits comme des rats. Soupe de cailloux, et t'en as qui vivent en panthéon des galantons. Terra le nom et beaucoup d'autres qui crèvent comme ça, sans raison. Et les poissons rouges tournent en rond dans le bocal le dimanche au centre commercial. Mais tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tu vas bien? Oh, je vais bien, tout est bien, c'est si bien. T'en as même qui pêchent par des raisons et d'autres qui s'empêchent en oraison. T'en as même qui marchent sur l'eau en vendant des histoires tandis que d'autres se noient quand il fait noir. Et t'as même des foules qui se défoulent sur d'autres foules et qui refoulent des foules d'humains jugées trop gaies. Et les poissons rouges tournent en rond dans le bocal le dimanche au centre commercial. Mais tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tu vas bien, je vais bien, tout est bien, c'est si bien. T'en as qui mettent les voiles et se cachent en petit Suisse, tandis que d'autres à genoux finissent à poil. Y'en a qui sont là et qui se délassent les os en talasso, et d'autres qu'on délaisse, qu'on attrape au lasso et qu'on déplace de place en place. C'est ainsi, c'est la vie. À chacun son chemin. C'est ainsi, c'est la vie, à chacun son destin, paraît qu'on n'y peut rien. Et les poissons rouges tournent en rond dans le bocal. Le dimanche, au centre commercial, il paraît que même la terre tourne en rond. Mais tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tu vas bien, oh, je vais bien, tout est bien, c'est si bien. C'est ainsi, c'est la vie, à chacun son chemin. Toi et moi enchaînés, il paraît qu'on n'y peut rien. Oh, oh. C'est ainsi, c'est la vie qui s'écrit en lettres capitales. Ah ben oui, ben oui, mais... J'avais halluciné, oui, ouais, j'avais adoré. Hein. Ah, c'est monté à Québec. Ah oui, ouais. Nous autres, on n'est pas les Beatles. Ah oui, c'est ça, oui, c'est merveilleux. Ah, vraiment, vraiment, là. Et puis, ce gars-là... C'est comme ça que j'ai découvert. Moi, j'écoutais Plume la Traverse quand oui. j'étais gamin. Ah oui, oui. Jean Leloup, tu oui. vois, les trucs comme ça. Mais lui, j'ai vraiment découvert là-bas par hasard. Mais ce gars-là s'autoproduit depuis le début. Hein. C'est sa petite entreprise. Ah, il vend ses gaminets, ses t-shirts. Il vend ses disques. Après un spectacle, on lui a fait... Un fan lui a fait... Une fausse étui à guitare, il ouvre et puis il y a les compartiments pour placer des disques et les DVD. Il vend ça après le spectacle, puis il fait beaucoup d'argent à vendre ses disques. Ah ben oui, tu m'étonnes. Mais il est génial. Hein. Ah oui, oui, oui, oui, mais il faut avoir de l'énergie. Ah oui, oui. Faut aller, c'est Puis il l'a dit récemment parce qu'il vient de faire un album qui est l'album de l'année. Ça s'appelle L'An 8000. Puis il a dit, pour cet album-là, moi c'est pas compliqué, j'ai remis mon matériel guitare-voix à des drogués qui m'en ont fait de la musique de drogués. Et voilà, tu sais, ça sonne, ça, c'est vraiment très très intense. Puis les textes sont extraordinaires. Ah ouais, ces textes ils sont magiques. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, moi j'avais pris, avec l'accent des fois tu comprends pas tout quand tu ouais. le vois en concert. Du coup, j'avais lu tous les textes, même avec la musique barbare. Là. Oui. Ah, les textes ils sont géniaux. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, et puis surtout que... Mais musique barbare, souvent c'est des chansons qu'il avait fait guitare-voix et qu'il les a repris. Sur, mais Anonymous, c'est un groupe metal qui font, eux, Cavalier Seul. Et quand ils ont un petit 6 mois sans contrat, ben, ils se mettent ensemble et ils s'en vont faire des tournées. Ah, oui. Et ça déménage comme ça. Ah oui, c'est magique. Ah, c'est vraiment... Toi, c'est les colocs, puis lui, c'est... Ah, oui. C'est mon oncle. Ah ben là, c'est la double pédale à fond. Ah oui, oui, oui, oui, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour les années à venir du succès? on continue notre petit bonhomme de chemin, quoi. Mais avez-vous des gens pour un jour vous produire un peu partout, en Belgique, en Suisse, au Québec? De toute façon, en Belgique, on y va régulièrement. Enfin, moi, j'y vais de temps en temps, quoi, mais c'est toujours le petit réseau. Ouais, la Belgique, c'est assez simple. Il y avait un tourneur qui voulait nous faire tourner au Japon. Oh. Mais que on n'a pas de nouvelles parce qu'il y a eu le Covid. Ah ouais, c'est normal. Ils sont assez fans de chansons là-bas, tu vois. Oui, c'est vrai, francophones surtout. Ouais, ouais, ils adorent. Ouais. Et sinon, non, il faudrait une grosse prod, quoi, parce que c'est compliqué à organiser. C'est compliqué, quoi. Et toi, Lise? De quoi? Bah, as-tu des projets d'aller jouer en Belgique, en Suisse? Ouais, ouais, mais comme je te dis, il faut que... Déjà, j'arrive à trouver la motivation de démarcher autant les gens qui peuvent m'aider à ça que moi, démarcher pour mes lieux, c'est vraiment la partie un peu... Ouais, en fait, c'est là où ceux qui ont eu la chance de faire la rencontre qui leur permet justement de s'occuper de ça. Parce que je connais des gens qui tournent beaucoup maintenant, qui ont des prods et qui me disaient, bah, moi, avant, je cherchais pas les dates, j'attendais qu'elles arrivent, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Mais maintenant, faut plus attendre, faut frapper aux portes, parce qu'on peut attendre longtemps. Oui, c'est ça. Ouais. Puis si tu fais pas de date, ben, tu auras plus ton titre. Ben ça, j'arrive à avoir des dates, hein. C'est... Mais bon. Alors, les années ont fait que vous vous êtes implanté. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, oui. Ouais. Mais quand vous avez des familles, toi, t'as une fille, tu viens de me dire, est-ce que c'est difficile de vouloir rester artiste en te disant que l'argent n'entre pas comme... Oui, oui, ben, ouais. Moi, j'ai arrêté quand j'ai eu une fille. T'as fait un autre métier? Ouais, ouais, j'ai fait plein d'autres métiers, mais... Sans arrêter vraiment, mais pas, tu vois, pas d'être à droite, à gauche. Mais ça, en quelle année tu t'es dit, là, je me consacre à ça, puis advienne que pourra? Bah, je te dis, quand j'étais jeune, j'étais régisseur. Ouais. Et après, j'ai fait d'autres choses. Et après, je dirais, il y a 15 ans, j'ai dit, je repars. J'étais prof, tu vois, donc... Professeur de? D'histoire. Ok, ah oui. Et du coup, j'ai fait professeur documentaliste aussi. Oh. Donc, ça fait ouais, une bonne quinzaine d'années. Et là, j'ai dit... Non. Bah, je jouais, je continuais de jouer, si tu veux. Et puis après, j'ai dit, ouais, j'en ai marre de me lever, machin. Ouais, c'est, ouais, ouais, c'est ça. Du coup, je vais refaire que ça, quoi. Alors, a de l'or dans les mains, se délivre et s'enivre de tout chemin, de bohème, de passage, de rivage, de naufrage, elle rapparaît sans âge, intemporelle, toujours nouvelle, n'oubliez pas de la trouver belle, car sans elle se perdent les ailes, car avec elle on s'est rebelle. Malheur a de l'espoir et des décors, de métallurgie, de métaphore. Malheur a de l'or dans les mains, se délivre et s'enivre de tout chemin, de bohème, de passage, de rivage, de naufrage, elle rapparaît sans âge. Elle chasse et refuse les acquis, elle ressurgit, elle vous sourit pour toute la vie. Malheur, si tu la déplores, je te dévore, si tu la touches, je te bouffe, car ma musique et ses oiseaux te feront naviguer sur les flots. Tu as compris, elle est en or, je l'aime alors, oublie son sort. Et si elle vit et chavire par-dessus bord, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour elle, c'est pour l'or, c'est pour l'or, c'est pour l'or, c'est pour l'or. Alors ça fait 15 ans là, que tu t'es décidé de... De refaire que ça, ouais, ouais, à peu près, ouais. Et tu le regrettes pas? Ah non, non. C'est vraiment le plus beau métier du monde. Ouais, tu sais jamais ce que tu vas devenir, donc ça, ouais. faut pas être fragile là-dessus. Ouais, c'est ça qui est dur un peu. Si tu vas acheter un appartement, c'est pas le bon métier. Non. Tu vois, la porte de la banque, elle s'ouvre pas. Ouais, c'est ça. Mais, ou même louer d'ailleurs. Ouais. Mais après, t'as pas d'horaire, t'as pas de... Tu vois, c'est la liberté, entre guillemets. Ouais, que tu vois, le matin, je trouve ça beau, une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est l'heure que tu te couches. C'est rare. Normalement, c'est l'heure que tu te couches. Quand je dis, oh, c'est joli, le matin à 9h. Putain, je ne me rappelais pas. Et toi, Lise? Moi, je perds le fil. Non, je parlais. Est-ce que c'est difficile de garder le métier? Toi, tu n'as pas fait de travail à côté ou si tu t'es toujours consacré? Aussi, j'ai été très longtemps dans la restauration. Par exemple, là, dans ce quartier, au Deux Moulins, là, le café d'Amélie, oui, Poulain, juste à gauche, oui, j'ai fait la restauration au plateau. J'ai mon beau-père, avec qui j'ai bossé 10 ans, qui est un peu plus bas aussi dans ce quartier, là, qui tient un restaurant qui s'appelle Le Bon Coin, où j'ai été barman, commis cuisine, en salle. J'ai fait énormément de restauration. Mais maintenant, j'ai tout arrêté depuis pas mal d'années aussi. À quel moment tu t'es dit, oh ben moi, regarde, c'est pas le travail que je veux faire, ça me fait chier, je veux... La restauration, de toute façon, c'est hyper physique et je pense qu'il y a un moment, on sait pas trop ce qu'on veut faire, de toute façon. Donc, non, mais c'est fou, hein. Alors, on gagne plus de sous, hein, c'est sûr, mais bon, après, l'énergie dépensée que pour ça derrière, il y a un moment, j'ai dit non, j'arrête, tant pis, je vais me serrer la ceinture, puis je vais faire ce que j'aime, quoi. Ça fait combien d'années que tu as décidé de décrocher? Ça doit faire au moins 5 ans que je bosse, plus de 5 ans même, ça doit faire 6-7 ans que je bosse plus régulièrement en restauration. Et là tu fais plus ça là? Non, plus du tout. Okay. Je fais plus du tout de boulot annexe. Tu prends plus le plateau, tu prends la guitare. Ouais, voilà. Puis le plateau, ça fait mal au bras. Hein. Ah, oui, quoi que la guitare, heureusement qu'il y a le courroie, mais là ça fait mal au dos. Ça va. Eh bien, merci d'être passé. Ben, puis merci à toi. On va diffuser avec plaisir parce qu'il faut que la chanson soit entendue. autant il y a Charles-Élie Couture qui dit toujours, il y a trois sortes de chansons, pour la tête, le cœur et les pieds. Et voilà. Alors, que la chanson se poursuive et nous arrive jusqu'aux oreilles. Ben, hein? Ben merci. Ben, merci à toi. Puis à la voyure. Eh bien, carrément. Ouais, carrément. Salut. Bye. Ciao. Il a raison, il a raison. Il vous libère des prisons de l'âme, ne versant plus de larmes, il se soulève contre l'aliénation trop sévère. L'appartenance et du vacarme et du vacarme. Le bruit de la chair se réveille, elle tressaille de se voir chérie. Au-dessous de sa camisole n'est le verbe en cascade et revit. Mon paletot devient idéal, ma folie devient banale. Les regards deviennent des mots doux, les insultes n'ont plus de goût, n'ont plus de goût. Chef-d'œuvre en ligne de mire, un immense fleuve où je puise mon inspiration pour danser avec ma raison. Tu veux des baffes et des calottes et des torgnoles? Tu veux que je te fasse la misère? J'te...